Voici un commentaire du journal coréen Le Dong Sinmun du 19, Bizarrerie des abandonnés. Le commentateur écrit: le reste de la bande de Bakune, acculée dans l'impasse, se démène pour prolonger sa vie tant que possible. Il y a quelques jours, les membres du groupe étroitement attachés à Bakune ont tenu dans la maison des parlementaires une conférence des fondateurs d'un nouveau parti conservateur pour fonder le Parti des Patriotes de Corée du Sud. La fondation en Corée du Sud de nouveaux partis politiques conservateurs extrêmes est un défi ouvert lancé aux manifestants à la bougie et une démarche désespérée du reste du groupuscule de Bakune visant à s'opposer au courant de l'histoire. Quant au co-délégué du parti conservateur en question, il se trouvait en tant que député et président d'une formation conservatrice de l'extrême droite sous la baguette de Bakune, en tête de la campagne démagogique autour des dépendances de la Corée du Nord et de la confrontation fratricide. Surtout, Cho Won-min, élément ignoble du groupe attaché à Bakune, et traître défini comme un des sept coupables de la catastrophe du paquebot Sewol, avait posé sa candidature aux dernières élections présidentielles. Cependant, ces abandonnés ont fait la remue-ménage sans vergogne pour fonder le nouveau parti conservateur en faisant du bluff comme s'ils peuvent sauver Bakune sur le champ. Toute la population sud-coréenne doit chasser foncièrement le reste de la bande de Bakune qui se moque de l'opinion publique et s'affaire aux témérités.